dîner fado de la Saint-Valentin aux chandelles, au son du groupe De Schwab. Silencio, quinte sufate. Au menu, douceur salée portugaise, suivie d'un bacalhau morue à chef. Ou bien, prego no prato, steak frites à la portugaise. Fromage, dessert et café sont inclus pour 25 euros. À partir de 22h, bal animé par le groupe Energia pour danser et bailar jusqu'au petit matin pour 7 euros. Réservez vite au 06 87 97 35 33 ou sur place au 266 rue du Faubourg-Bagné à Fleury-les-Aubrais. Ou encore en ligne via le site de Radio Arc-en-Ciel, radio-arc-en-ciel.fr. Venez nombreux fêter l'amour aux couleurs de Radio Arc-en-Ciel. Le 16 février, à la salle de Montition, à Saint-Jean-le-Blanc, venons. Venons todos apoiar na nossa rádio. Cantar, dançar e festejar o amor com a Radio Arc-en-Ciel. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Arc-en-Ciel, bonjour, il est exactement 9h, nous sommes le lundi 28 janvier, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes ensemble, je vous le disais, jusqu'à midi, c'est effectivement vers matin et nous sommes effectivement le lundi 28 janvier. Nous allons tout au long de cette matinée, eh bien, écouter de la musique, c'est fait pour ça la radio, et puis bah, vos petites annonces, les offres d'emploi, vous recherchez, vous vendez, vous louez, et bien un seul numéro 02 38 43 48 00 et via les ondes de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Vers Matin se met à votre service pour vous aider dans vos recherches. Voilà, ça se passe comme ça tous les lundis et puis également vos dédicaces au 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00 vous faites votre dédicace à l'antenne et puis dans vous demander la chanson que vous souhaitez entendre dans la mesure du possible, et bien elle passe à l'antenne la chanson. Oui, c'est vraiment votre émission de A jusqu'à Z. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi, il est 9h01 très exactement. Je vous souhaite une excellente journée et puis déjà on va démarrer tranquillement par cette matinée avec Toy Curaçao Não Tem Idade, Vou Beijar, un vrai succès. Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Faz sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Oh, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Ou foi um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vai, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Faz sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, oh, até me cansar. Toda a noite, toda a noite vou beijar, vou dançar, oh, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mas eu não sei se tu pões no Face aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, oh, até me cansar. Toda a noite, toda a noite vou beijar, vou dançar, oh, até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Sur les ondes de radio arc-en-ciel, Curaçao non tem idade, vou beijar. On va poursuivre avec les Nemanus, ou Nemanus, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Vos dédicaces, 0238 43 48 00, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin et ça se passe sur les ondes de radio arc-en-ciel. Sur le 96, petit point et le 2. Nem a distância consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, vais ficar em mim. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Nem a distância consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime. esta noite é que vai dar. Fim de semana, chegou a nossa hora de ir para a festa para podermos bailar. Não quero ver ninguém a sair para fora, porque esta noite é louca e não vai acabar. E abro o voo, fecho o voo à maneira, para que essa dançadeira junto a nós venha bailar. Com o embalo e o ritmo desta dança, o seu corpo não se cansa, mexendo de lá para cá. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Deixar bem assiada numa grande correria. Toda a semana trabalhaste até fartar. Mereces bem diversão e alegria. E abro o voo, fecho o voo à maneira, para que essa dançadeira junto a nós venha bailar. Com o embalo e o ritmo desta dança, o seu corpo não se cansa, mexendo de lá para cá. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe agarradinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Spadawar sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va faire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une offre d'emploi, il y a des offres d'emploi. Ce matin, il y a par exemple une entreprise du bâtiment située à Ingré qui recherche, et c'est urgent, des ouvriers dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience. Sinon, la formation est assurée. Donc, vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, eh bien 02 38 43 48 00. Donc, une entreprise du bâtiment situé à Ingré recherche, et c'est urgent, des ouvriers dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience, eh bien c'est pas grave, la formation sera assurée. Il y a une autre offre d'emploi, il y a un restaurant qui recherche un commis de cuisine, un serveur ou une serveuse. Cette annonce vous intéresse, 02 38 43 48 00. Il y a à vendre une remorque porte-vélo très peu servie, le prix 80 €. Et puis un particulier vend un appartement F3 57 m² près de la gare d'Orléans avec une vue dégagée, un double vitrage, un parking sécurisé avec gardien et interphone, et à prévoir rafraîchissement. Voilà, l'une de ces petites annonces vous intéresse, 02 38 43 48 00. Et si vous recherchez, vous louez, vous vendez, eh bien sachez que tous les lundis matins via les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bien vers matin se met à votre service, puisque vous composez le 02 38 43 48 00 et je passerai avec un grand plaisir vos petites annonces à l'antenne. Et puis c'est le même numéro pour vos dédicaces. Vous faites votre dédicace, vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre et dans la mesure du possible elle passe à l'antenne. Voilà, je vais faire un petit clin d'œil, un gros bisou à Marco qui est à l'écoute, voilà, et qui travaille a priori ce lundi matin. Je vais lui faire un gros bisou. Et puis pour toi Marco, eh ben on va écouter, eh ben oui, c'est comme ça. Eh bien, on va écouter Kevin, Sou Português. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português, até morrer. Kevin sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, So Portugais. On va une petite dernière annonce là qui vient d'arriver juste à l'instant au standard de Radio Arc-en-Ciel. Sachez qu'il y a une entreprise, décidément il y en a des offres d'emploi ce matin. Il y a une entreprise qui recherche un plaquiste confirmé et après une période d'essai, si tout se passe bien, et bien c'est un CDI qui vous sera proposé. Donc vous êtes plaquiste, vous recherchez un emploi, sachez qu'il y a une entreprise qui recherche un plaquiste confirmé, donc après la période d'essai, eh bien un CDI vous sera proposé. Voilà, et puis nous on va continuer avec Elder Batista Toca Virare. Batista sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va refaire un petit tour rapide du côté des offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise du bâtiment située à Ingré qui recherche, et c'est urgent, des ouvriers dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience. Vous n'avez pas d'expérience, ce n'est pas grave. Il y aura une formation qui sera assurée. Si cette offre d'emploi vous intéresse, eh bien 02 38 43 48 00. Il y a un restaurant qui recherche un commis de cuisine, un serveur ou une serveuse. Si cette annonce vous intéresse également, et bien 02 38 43 48 00. Et puis une entreprise recherche un plaquiste confirmé après une période d'essai, et bien un CDI vous sera proposé. 02 38 43 48 00 pour vos petites annonces. Et puis nous, on va poursuivre avec Hélène Coste. Começar. Ela chegou chegando com vontade de dançar. Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho. Ela quer mexer e dançar comigo. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá pegando. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá. E é o bicho, e é o bicho. DJ, aumenta o som, que ela quer dançar comigo. E é o bicho, e é o bicho. DJ, aumenta o som, que ela quer dançar comigo. Dança com tudo. Dá o play, DJ, pra festa começar. Ela chegou chegando com vontade de dançar. Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho. Ela quer mexer e dançar comigo. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá pegando. Eu tô ligado, ela tá me olhando. DJ, aumenta o som, porque o bicho tá. E é o bicho, e é o bicho. DJ, aumenta o som, que ela quer dançar comigo. E é o bicho, e é o bicho. DJ, aumenta o som, que ela quer dançar comigo. Galera, Hélène Costa sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il est 9h34. Allez, avant d'écouter les pubs et pour moi d'aller boire un petit café, eh bien on va écouter la petite pub pour le bal qu'organise Radio Arc-en-Ciel le samedi 16 février, juste quelques jours après la Saint-Valentin. Voilà, donc la radio organise un bal le samedi 16 février à la salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et après une petite soirée en dîner, tête à tête, tranquille, avec un son fado, place ensuite à la musique pour danser jusqu'au petit matin. Samedi 16 février, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant. Le dîner fado de la Saint-Valentin aux chandelles, au son du groupe De Schwab. Silencio, quinte sufante. Au menu, douceur salée portugaise, suivie d'un bacalhau morue à chef. Ou bien, prego no prato, steak frites à la portugaise. Fromage, dessert et café sont inclus pour 25 euros. À partir de 22h, bal animé par le groupe Energia.

Joaquin Sena sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vem bailar kuduro. Et on va poursuivre avec monsieur Nel Monteiro à Zarna Praia. Et tout de suite après, on démarre avec les toutes premières dédicaces. 02 38 43 48 00. Bailamos à praia, fomos tu e eu. Mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu. Quando a noitinha nada apareceu. Bailamos à praia, fomos tu e eu. Mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu. Quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali. Eu em tronco nu, como em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado saímos dali. Eu em tronco nu, como em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Fomos tu e eu. Mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu. Quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali. Eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos em pé, fizemos serão. Muito envergonhado não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Eu não tinha muita aflita, gritava. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os mermelinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os mermelinhos quase de fora. Muito envergonhado saímos dali. Eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas, todas à mostra e os mermelinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas, todas à mostra e os mermelinhos quase de fora. Nel Monteiro sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va démarrer avec les toutes premières dédicaces. Ça va être avec la chanson de Starlight Batupé, une version remixée. E é da parte da tia Esperança para a Balvina, que faz hoje anos, com muitos, muitos beijinhos para ela e toda a família. Então, Balvina, parabéns e vamos ouvir Starlight. Adeus, meu pai, que eu já vou. Adeus, que já vou me embora. Starlight sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Hier, on discute d'autre part da Tia Esperança para Balvina, que faz hoje anos, com muitos beijinhos para ela e toda a família. Je vous rappelle que Radio Arc-en-Ciel organise un bal le samedi 16 février à la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Donc, c'est un dîner fado. Ça sera à partir de 19h30, un dîner fado aux chandelles avec des fado. Le bal ensuite sera animé par Énergie à partir de 22h. Le menu, apéritif douceur salée à la portugaise, le plat bacalhau morue ou prego no prato, steak portugais avec frites, ensuite fromage, dessert et le café. Donc pour le prix de ce dîner fado aux chandelles, eh bien pour les adultes 25 euros, pour les enfants de moins de 10 ans 10 euros, et puis si vous souhaitez assister uniquement au bal, eh bien c'est 7 euros à partir de 22h. Vous souhaitez réserver, eh bien il est conseillé de réserver d'ailleurs, c'est au 06 87 97 35 33, 06 87 97 35 33, et puis si vous voulez le faire en ligne, eh bien vous pouvez le faire en tapotant radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, vous avez toutes les infos, et puis nous on va poursuivre avec José Malho, Berla e Mentirosa. Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Agora vais embora porque descobri um peito magoado pensando em ti. Ai, para que chorar se me mentias só por prazer? Ai, para que chorar, para que viver para ti, mulher? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Serás eternamente uma parte de mim. Tenho na lembrança, sempre foste assim. Ai, para que chorar se me mentias só por prazer? Ai, para que chorar, para que viver para ti, mulher? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Se me mentias só por prazer, ai, para que chorar, para que viver para ti, mulher? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela. Música. duro mês. Isso me prende. O seu sorriso e aquele olhar. Ela já nasceu assim, num jardim à beira-mar. Ela é tão carinhosa, tão amorosa, não há igual. E nem sequer tem vaidade, só tem saudade de Portugal. Uma flor tão bonita só pode ser. Nesta minha canção, a França. Eu dei a minha vida e dei o meu amor. Eu levei a saudade, eu levei o calor e a esperança. E o meu obrigado é para todos vocês. Por este mundo fora há sempre um português. Eu quero cantar, ai, mais uma vez. Philippe Reich, Reich, sur les ondes de radio arc-en-ciel. J'aime bien ces effets finalement sur les chansons. Donc nous allons poursuivre avec Roberto Carlos, Louche Divine, et c'est Marie-Jo, Marie-Jo qui m'envoie un petit message, parce que sachez, vous pouvez faire bien entendu vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Vous pouvez également en tapotant avec vos petits doigts sur votre clavier, et bien en tapotant JP Martins, faire vos dédicaces sur la page Facebook. Et donc Marie-Jo me dit: bonjour JP, pouvez-vous passer Robert Carlsch, Louche Divine, pour mon amour Mino qui est sur la route. Plein de bisous à tous et une bonne journée. Donc Marie-Jo, bonne journée, bisous à vous. Et puis Mino, bah, il faut juste écouter cette très belle chanson de monsieur Robert Carlsch, Louche Divine. Give me consegui. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Robert Carlos, Louche Divine. Et donc, c'était demandé de la part de Marie-Jo pour Mino, pour son amour Mino qui est sur la route. Mino, faut faire attention et être prudent sur la route. Il est 10h09, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et c'est sur le 96.2. Vos dédicaces 02 38 43 48 00. Vos petites annonces, c'est le même numéro. Et puis, on parle de petites annonces. Et ben justement, vous avez des petites informations et surtout des petites annonces et des offres d'emploi plus exactement. Il y a une entreprise du bâtiment située à Ingrée qui recherche, et c'est urgent, des ouvriers dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience. Et si vous n'en avez pas, eh bien une formation sera assurée. Si cette offre, d'emploi, je vais y arriver ce matin, vous intéresse, eh bien 02 38 43 48 00. Il y a un restaurant qui recherche un commis de cuisine, un serveur ou une serveuse. Là également, si cette annonce vous intéresse, 02 38 43 48 00. Et puis, il y a une entreprise qui recherche un plaquiste confirmé, donc un CDD dans un premier temps, normal pour la période d'essai. Et puis, une fois la période d'essai passée, eh bien, si tout se passe bien, ce sera un CDI qui vous sera proposé. Et puis, nous, on va continuer avec au Fordland Courrey Marques à Minegata. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ai, gatinha assanhada. Anda, calma. A minha gata é uma atrevida, só quer meu colo se tem comida. Ai, a minha gata é exigente, lambe-se toda com o meu peixe. Ai, rebola na mesa e rola no chão, adora dourada, devora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguei meu corpo, racimia, se como um rebolo ou um menguia. Fica assanhada e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata endiabrada, quando tem fome, já não me larga. Ai, a minha gata é tão carente, se não tem peixe, fica doente. Ai, rebola na mesa, enrola no chão, adora dourada, devora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguei meu corpo, racimia, se como um rebalo ou um menguia. Fica assanhada e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A gatinha arranha, arranha que eu gosto. I know you wanna do me, but first can you please get me a blue sea? A minha gata quando vê o carapau, what you wanna do when we come through wildin'? You know these other cats, they ain't stylin'. A minha gata quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê o carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Samedi 16 février, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant. Le dîner fado de la Saint-Valentin aux chandelles, au son du groupe De Schwab. Silencio, quinte sufante. Au menu, douceur salée portugaise, suivie d'un bacalhau morue à chef. Ou bien, prego no prato, steak frites à la portugaise. Fromage, dessert et café sont inclus pour 25 euros. À partir de 22h, bal animé par le groupe Energia pour danser et bailar jusqu'au petit matin pour 7 euros. Réservez vite au 06 87 97 35 33 ou sur place au 266 rue du Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais ou encore en ligne via le site de Radio Arc-en-Ciel radio-arc-en-ciel.fr. Venez nombreux fêter l'amour aux couleurs de Radio Arc-en-Ciel le 16 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc, Vagnon. Venons tous appuyer la nossa radio, cantar, dançar et festejar o amor com a Radio Arc-en-Ciel. Quando tens sonho, tens que lutar por ele e nunca desistir. Sabes que a vida tem momentos com alguns sofrimentos que por vezes queremos partir. Nunca deixes de acreditar e verás que tudo irá mudar. Já me aconteceu ficar desiludido, mas nunca desisti. Sabes que já fiquei perdido, sem saber o caminho, mas farei tudo para conseguir. Nunca deixei de acreditar e hoje vivo a vida a cantar. Ver como é tão bom. We'll be right back.

coração sem pensar em nada. Eu pensava que era feliz, mas um dia então descobri que o nosso mundo era apenas um jogo para ela. Lembro as palavras doces que ela me falava, que eu era sua paixão, o homem perfeito. Mas agora sei que era mentira tudo que o seu olhar dizia. Nada vai por fim esta amizade, somos amigos para sempre. Vamos esquecê-la em nome da nossa amizade, mesmo que peça chorando e diga que sem nós ela anda tão perdida. Vamos esquecê-la, ainda que venha a saudade. Eu não troco uma paixão Tu não entendes nada. bien écouté Mignotte Schmarotte avec Claudia Martins. On va poursuivre avec Michel Sardou qui va nous interpréter Je t'aime. Et c'est demandé de la part de Joachim pour l'amour de sa vie, Elisabeth, qu'il aime très très fort. Michel Sardou, Je t'aime. J'aurais jamais cru aimer ainsi, être surpris par ton sourire. J'ai jamais cru sentir le froid, le vide, lorsque ton rire ne résonne plus. Dans le vent des années, je t'aime. Dans les mots du passé, je t'aime. Et regarder le futur comme on écrirait un poème. Derrière l'armure où je cache mes peines, derrière ce mur, je t'écrirai, je t'aime. Et puis jamais penser qu'un tel amour pouvait durer jour après jour. Les souvenirs figés n'existent pas, des gestes usés, c'est pas pour toi. Dans les matins brumeux, je t'aime. Quand tu ouvres les yeux, je t'aime. Et dans les instants de doute, quand nos routes ne sont plus les mêmes, je prends le temps, je cherche où ça nous mène. Je prends le temps de te dire je t'aime. Je n'aurais jamais cru aimer ainsi, sans l'habitude qui tue l'envie. Avec toi j'ai compris qu'une seule vie ne suffit pas quand on aime comme ça. Dans les fleurs de l'été, je t'aime. Ta façon de marcher, je l'aime. Et parler de la tendresse avec les mots d'une maîtresse. Rien ne me blesse, plus rien n'est un problème. Rien ne me blesse quand tu me dis je t'aime. Michel Sardou sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Je t'aime. Et c'était demandé de la part de Joachim pour l'amour de sa vie, Elisabeth, qu'il aime très très fort. On va totalement changer de registre à 10h36 avec Saoul Kumilumlau. Oui. Vos dédicaces 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et ça se passe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2. Um dia deste fui ao campo passear e encontrei a filha da tia Maria. E logo ali fomos os dois conversar, bela conversa que eu tive nesse dia. Vi uma quinta com uma grande plantação, estava cheia de melão, fomos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia e nenhum mal me fazia o melão poder comer. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria.

Alex Ferrari, Bala Bala, Bélé Bélé sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Attention, assim, ó, tous ensemble. Bala Bala, Bélé Bélé Bélé, Bala Bala Bala, Bélé Bélé Bélé Bélé, Bala Bala Bala, Bélé Bélé Bélé. É Alex Ferrari fazendo Bala Bélé. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bada bada, bere bere, Alex Ferrari sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je vous rappelle les petites annonces. Restaurant recherche un commis de cuisine, un serveur ou une serveuse. Il y a également une entreprise qui recherche un plaquiste confirmé après une période d'essai. Eh bien, ce sera un CDI qui vous sera proposé. Il y a une entreprise du bâtiment située à Ingré qui recherche dans le ravalement et la maçonnerie avec expérience. Et si vous n'avez pas l'expérience, la formation vous sera assurée. Et puis, il y a une jeune retraitée qui recherche quelques heures de ménage dans les entreprises ou les particuliers. Donc vous recherchez une femme de ménage, vous souhaitez, eh bien n'hésitez pas, 02 38 43 48 00 et je vous donnerai toutes les coordonnées hors antenne. Nous on va poursuivre avec quoi? Eh bien on va poursuivre avec Emmanuel qui va nous interpréter Inu Alegria. Et j'en profite pour vous rappeler que le samedi 16 février, à partir de 19h30, dîner fado chandelle avec des chevaux. Et il y aura le bal animé ensuite par Énergie à partir de 22h. Dîner fado chandelle, c'est une organisation Radio Arc-en-Ciel le samedi 16 février. Au menu apéro, douceur salée portugaise, le plat bacalhau ou pregno prato, fromage, dessert, café. Voilà, le tout pour 25€, oui. Et si vous souhaitez assister juste au bal, eh bien 7€ à partir de 22h. Une bonne soirée le samedi 16 février à la salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Dîner fado chandelle. paixão. Capanegra, sempre à bombarder. Un gros bisou à tous les membres du groupe et notamment à Marilyn. Plein de gros bisous. Eu sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Capanegra sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est la bombarde. Capanegra qui sont dans la préparation de leur tout premier album. Je leur souhaite d'ores et déjà beaucoup, beaucoup de succès. On va poursuivre avec nos dédicaces. Ce sera Monsieur Tony Carrera qui va nous interpréter Plus Jamais. C'est demandé de la part de Rosie pour son amie Manuela. sans oublier l'animateur avec de gros gros bisous. Merci Rosie, gros bisous également. On va écouter Tony Carrera, Plus Jamais. Jamais sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, monsieur Tony Carrera, et c'était donc demandé de la part de Rosie pour son ami Manuela, sans oublier l'animateur. Voilà, merci, gros bisous. On va poursuivre avec qui? Eh bien avec Chris Ribel qui va nous interpréter Maria. Chris Ribel mais une fois. Terra, diz adeus a São Lourenço. Não te disse adeus a ti, porque sabes o que eu penso. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Já passaram a minha roupa, minha roupa está passada. Amanhã vou me casar e a Maria, minha amada. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Da minha casa pra fora, da minha casa pra dentro, a Maria vou levar no dia do casamento. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Oh, Damon Bécito, la bombe latine par excellence sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va, avant de retrouver nos dédicaces, eh bien, on va continuer en musique avec Starlight, So Portuguese. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non, non, ça c'est Chave d'Oiro, hein, da Caopa, et ça c'est après. Tout de suite, son Portuguese, c'est maintenant et c'est Starlight. Voilà, quand on n'a pas de main gauche, on trouve la bonne musique. Oui, oui, oui. 11h12, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, So pour São Portuguesa. Bella Ciao, c'est l'ami Johnny Abreu qui sera avec Radio Arc-en-Ciel au mois d'avril à la Montition. O teu regresso, Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Desesperei com insucesso. Agora é só adeus, eu peço. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Mas não me encontras, procuro algures. Já não estou cá, não me censuras. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Ficas sozinha, Deus assim quis. Porque o que importa é ser feliz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Ficas sozinha, Deus assim quis. Porque o que importa é ser feliz. Ficas sozinha, Deus assim quis. Porque o que importa é ser feliz. Porque o que importa é ser feliz. Porque o que importa é ser feliz. Bella Ciao sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Johnny Abreu. On va poursuivre avec Samba Kung Fu Nana. Qui c'est qui nous interprète ça? C'est la belle et charmante Tita. Paquita sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Samba con Funana. On va poursuivre avec nos dédicaces. Et ça va être Fabio qui va nous interpréter Abre el Corazón. Ouvre le cœur. Mais oui. Et c'est Marco. Marco qui me dédie cette chanson. Je te fais un gros bisou, mon Marco. Et merci pour tes viennoiseries qui sont allégées. Très allégées. Et c'est bon pour mon régime. Donc, Fabio, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Abre el Corazón. Et c'est demandé de la part de Marco pour l'animateur. Merci. Bisous, mon Marco. Me dá vontade e desejo de te tocar, eu sinto teu calor e te abraçar com todo o fulgor. E tu não sais da minha mente, por vezes penso doente, mas eu não estou, isso é amor. Sigo sonhando todos os dias, volto naquele lugar só pra tentar ver se eu te vejo, só pra tentar ver se eu te vejo. E o meu desejo era voltar no tempo, em que eu te vi pela última vez, essa última vez. Nunca deixes, nunca deixes, nunca deixes nada, nada por dizer. Abre o coração, coração. Nunca deixes, nunca deixes, nunca deixes nada, nada por dizer. Abre o coração. Piel morena, cabello negro. Esa chica es mi veneno. Ya no vivo solo un día sin pensar en ti. Siento que me falta el aire si no estás aquí. Venga amor, ven mi amor, porque ahora yo no soy nada. Te espero hasta la madrugada. Mami, mami, quiero sentir tu calor, calor. Quiero sentir tu amor, amor. Quiero sentirte en mis brazos y para siempre a mi lado. Quiero sentir tu calor, calor. Quiero sentir tu amor, amor. Quiero sentirte en mis brazos y para siempre a mi lado. Todos los días yo vuelvo en aquel lugar, solo para intentar ver si te veo. Para intentar ver si te veo. Y me deseo era volver en el tiempo en que te vi por la última vez. Por la última vez. Nunca dejes, nunca dejes. Nunca dejes nada. És a realidade do meu sonho, és a minha alegria no meu dia a dia que eu preciso. O peso te encantou, és a realidade do meu sonho, és a minha alegria no meu dia a dia que eu preciso. Sou play, baby. Quando te vi pela primeira vez, baby, esse teu jeito sensual, fiquei sem flow. Quando te toco e te digo o que quero de ti, meu amor, o que procuras encontras em mim. Fazer, não sei o que dizer, só sei que tu és o mundo que quero percorrer. Sinto vontade de te ver e poder abraçar. E se isto for um sonho, então não quero mais acordar. E o meu desejo era voltar no tempo, porque eu te vi pela última vez, essa última vez. Nunca deixes, nunca deixes, nunca deixes nada. Já triste por fim. cartão. Oh, malhão, tem calma, todo mal tem solução. Portugal e África dançam juntinhos esta canção. Oh, malhão, malhão, toma lá que zomba. Oh, malhão, malhão, toma lá que zomba. Vamos lá dançar, agarra-te o pai que vai ser de arromba. Vamos lá dançar, outro lintintim que vai ser de arromba. Oh, malhão, malhão, toma tua mão. Oh, malhão, malhão, toma tua mão. Junta-te à quizomba, vamos dançar quizomba com malhão. Vamos lá dançar, outro lintintim, quizomba com malhão. Na danceteria toda a gente gosta, que zumba é moda, veio para ficar. O malhão aflito foi ao bailarico e saltou num grito, por onde anda o ritmo popular. Mas a banda nem ligou e só que zumba tocou. O malhão já triste por fim desiste, ninguém lhe passou cartão. Oh, malhão, tem calma, todo mal tem solução. Portugal e África dançam juntinhos esta canção. Oh, malhão, malhão, toma lá que zomba. Oh, malhão, malhão, toma lá que zomba. Vamos lá dançar, agarra-te o pai que vai ser de arromba. Vamos lá dançar, outro lintintim que vai ser de arromba. Oh, malhão, malhão, toma tua mão. Oh, malhão, malhão, tua mão. Junta-te à quizomba, vamos dançar quizomba com malhão. Vamos lá dançar outro lintintim, quizomba com malhão. Oh, malhão, malhão, toma lá quizomba. Oh, malhão, malhão, toma lá quizomba. Vamos lá dançar, agarra-te o par que vai ser de arromba. Vamos lá dançar, outro lintintim que vai ser de arromba. Oh, malhão, malhão, toma tua mão. Oh, malhão, malhão, toma tua mão. Junta-te à quizomba, vamos dançar quizomba com malhão. Vamos lá dançar, outro lintintim, quizomba com malhão. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. Estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco do Algarve até ao Minho. Tanto buraquinho, tanto buraquinho. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. Estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco do Algarve até ao Minho. Tanto buraquinho, tanto buraquinho. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. Estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco do Algarve até ao Minho. Tanto buraquinho, tanto buraquinho. Sou calceteiro, esta é minha profissão. E de martelo na mão vou tapando os buraquinhos. Uns são mais fundos, há outros que são baixinhos. Uns já são bastante grandes e outros apertadinhos. Tanto buraco para eu tapar, só não consigo, alguém tem que me ajudar. Estão escondidos que nem os vês, e alguns tenho que tapar a segunda vez. Vou cair, está a gritar a mulher do meu vizinho. Anda cá, Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho. Vou cair, está a gritar a mulher do meu vizinho. Anda cá, Jorge Loureiro, tapar o meu buraquinho. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. Estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco do Algarve até ao Minho. Tanto buraquinho, tanto buraquinho. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco, do Algarve até ao Minho. Tanto buraquinho, tanto buraquinho. Minha profissão e de martelo na mão vou tapando os buraquinhos. Uns são mais fundos, há outros que são baixinhos. Uns já são bastante grandes e outros apertadinhos. Tanto buraco para eu tapar, só não consigo, alguém tem que me ajudar. Estão escondidos que nem os vês, e alguns tenho que tapar a segunda vez. Vou cair, está a gritar a mulher do meu vizinho. Anda cá, Jorge, joreiro, tapar o meu buraquinho. Vou cair, está a gritar a mulher do meu vizinho. Anda cá, Jorge, joreiro, tapar o meu buraquinho. Nunca vi tanto buraco nas estradas de Portugal. Estou a bater mal, estou a bater mal. Nunca vi tanto buraco. 11h33 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jorge Loureiro, Buracos de Portugal. On va poursuivre avec Pedro Brunhosa, a fazer o que ainda não foi feito. Et c'est Agostinho qui souhaite écouter cette chanson. Et voilà, et puis c'est pour Maya. Maya, je te fais un gros bisou. Quel bonheur d'entendre ta voix. Quel bonheur de pouvoir échanger avec toi. Ça manque, ça, voilà, ça manque énormément. En tout cas, moi, ça manque. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous deux. Et puis Agostinho, vous retrouvez le jeudi, puisque Agostinho remplace Portugal no coração de Christine. Donc voilà, enfin il fait l'émission et c'est juste Christine qui change chez Agostinho. Donc voilà. Et puis bah Maya, plein de gros bisous. Donc Agostinho, vous le retrouvez jeudi dans Portugal no coração. Et puis bah le samedi matin aussi. Oui. Allez, gros bisous à vous deux. Puis vous avez souhaité entendre Pedro Brunhosa fazer o que ainda não foi feito. Et bah, il suffisait de demander et je le fais avec un grand plaisir. Allez, c'est parti. Olhos me ignoram quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Mesmo que chova no verão, queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Cheia de nada, somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Pedro Ambrugnosa, fazer o que ainda não foi feito. Et c'était donc Agostinho et Maya qui souhaitaient entendre cette très belle chanson. Plein de gros bisous à vous. On va poursuivre avec Tony Carrera qui va nous interpréter Cosas del Amor sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je sais, j'ai un espagnol très prononcé. Et c'est demandé de la part de Manuela pour son mari, pour Rosie, pour Eline, pour Nicole, pour Isabelle. Sans oublier l'animateur avec de gros bisous. On remercie, on écoute Tony Carrera. Vou perder e vou

Et puis nous, on va poursuivre avec José Cid Nakabana Junta Praia. Et c'est demandé de la part de sa femme pour David. Posso estar farto de tudo. peu de douceur dans un monde de brut. José Cid, La Cabane, Junta à Palaya. Et c'était demandé de sa femme pour David. Arc-en-ciel, c'est sur le 96.2. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, et ça fait du bien. Allez, on va poursuivre avec un autre registre. Hein. C'est celle-là, vous allez la reconnaître. Écoutez. Pour Yama, on a Cap Signe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est Monsieur Victor Rodrigue qui l'interprète. Et Marco, alors Marco, il sait faire. Voilà, na Cap Signe, Nash Perninch. À toi, Marco. Vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão na perninha. Vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar, quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha. Vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha. Vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar esta moda que eu inventei. O swing, o folclore, até o forró eu juntei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem tá triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo. Vai abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar, quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Ah, Marco, il est extra, hein. Vraiment. Voilà, même en conduisant. Alors prudence, hein. T'étais en ligne droite, sois prudent sur la route. Allez, pont Yama, on a Cap Signe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Monsieur Victor Rodriguez qui nous interprète cette chanson. Et avant de se quitter, on va refaire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une entreprise du bâtiment située à Ingré qui recherche en urgence des ouvriers dans le ravalement et de la maçonnerie avec expérience. Et si vous n'en avez pas, eh bien la formation sera assurée. Il y a un restaurant qui recherche un commis de cuisine, un serveur ou une serveuse. Une entreprise recherche un plaquiste confirmé en CDI. Et une jeune retraitée recherche quelques heures de ménage en entreprise ou chez les particuliers. Il est 11h57. Déjà, comme le temps est passé vite ce matin. Oui. Avant de se quitter, je vous rappelle que le samedi 16 février, à partir de 19h30, eh bien Radio Arc-en-Ciel vous propose un dîner fado aux chandelles avec des chfado. Et ensuite, le bal sera animé par Énergie à partir de 22h au menu. Apéro douceur salée portugaise, plat bacalhau, c'est de la morue, ou plaigue, ou plat, steak portugais avec des frites. Le fromage, assortiment de fromage, salade, dessert, café. Et puis, donc, c'est sur réservation, vous pouvez le faire au 06 87 97 35 33, 06 87 97 35 33 ou en ligne en tapotant radio-arc-en-ciel.fr. Et si vous souhaitez assister uniquement au bal, eh bien sachez que c'est à partir de 22h et c'est seulement 7€ et ça se passera donc le samedi 16 février à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Blanc, à la salle Montition. Il est 11h59, le temps pour moi de vous faire plein de gros bisous. Vous souhaitez une excellente semaine à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, de retrouver Michel cet après-midi et dès 14h. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine, lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous aime fort. Bye bye, à la semaine prochaine. Arc-en-Ciel, il est midi en France, 11h au Portugal. Bon appétit. São 11 horas da manhã em Portugal continental.